Ulysse allait entrer dans la noble demeure du roi Alcinoos. Il fit halte un instant. Que de trouble en son cœur, devant le seuil de bronze, car sous les hauts plafonds du fier Alcinoos, c'était comme un éclat de soleil et de lune. Du seuil jusqu'au fond, deux murailles de bronze s'en allaient, déroulant leurs frises d'émail bleu. Des portes d'or s'ouvraient dans l'épaisse muraille. Les montants, sur le seuil de bronze, étaient d'argent. Sous le linteau d'argent, le corbeau était d'or, et les deux chiens du bas, que l'art le plus adroit d'Héphaïstos avait fait pour garder la maison du fier Alcinoos et rester immortel, jeune à tout jamais, étaient d'or et d'argent. Or, le divin Ulysse restait à contempler. Mais lorsque dans son cœur, le héros d'endurance eut fini d'admirer, vite il franchit le seuil, entra dans la grande salle et trouva, coupe en main, le roi de Phéasie et tout son entourage. Que le ciel vous accorde à tous de vivre heureux et de laisser un jour chacun à vos enfants les biens de vos manoirs et les présents d'honneur que le peuple vous offre. Mais pour me ramener au pays de mes pères, ne tardez pas un jour. Si longtemps, loin des miens, j'ai souffert tant de maux. » Il dit, et près du feu, au rebord du foyer, il s'assit dans la cendre, et tous restaient muets. Alors, dans le silence, on entendit la voix du vieil Échénoos. Il n'y a Alcinoos, ni bon ni convenable, qu'un hôte reste assis dans la cendre par terre au rebord du foyer. Si tous nous nous taisons, c'est pour te laisser dire. Relève l'étranger, fais-le s'asseoir en un fauteuil au clou d'argent, puis ordonne au héros de mélanger du vin, que nous buvions encore au brandisseur de foudre à Zeus qui nous amène et recommande à nos respects les suppliants, et dis à l'intendant de prendre en sa réserve le souper de notre hôte. Il dit. Sa sainteté et force Alcinoos eut à peine entendu qu'il prit la main d'Ulysse, releva du foyer le rusé compagnon, et pour le faire asseoir, fit lever d'un fauteuil luisant l'un de ses fils qui siégeait près de lui. Le héros d'endurance, Ulysse le divin, but alors et mangea. Quand on eut fait l'offrande et bu tout son content, chacun pour se coucher regagna son logis. Près du divin Ulysse, assis dans la grande salle, restait Alcinoos au visage de Dieu, et la reine arrêtait. Les servantes rangeaient les couverts du repas. C'est la reine au bras blanc qui rouvrit l'entretien, car, en voyant l'écharpe et la robe d'Ulysse, elle avait reconnu les fins habits tissés par elle et par ses femmes. Elle éleva la voix et dit ces mots ailés. « Ce que je veux d'abord te demander, mon hôte, c'est ton nom et ton peuple. Et qui donc t'a donné les habits que voilà? Ne nous disais-tu pas que tu nous arrivais après naufrage en mer ?» Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Comment pourrais-je, ô reine, exposer tout au long les maux dont m'ont comblé les dieux, maîtres du ciel? Pourtant, puisque tu veux savoir et m'interroges, je m'en vais te répondre. Loin d'ici, dans la mer, gît une île océane qu'habite Calypso, la déesse bouclée à la terrible ruse. Personne des mortels ni des dieux ne fréquente cette fille d'Atlas. Pour mon malheur, un dieu me mit à son foyer. J'étais seul, puisque Zeus, de sa foudre livide, en pleine mer vineuse, avait frappé et mis en pièces mon croiseur. Mon équipage entier de braves était mort. J'avais noué mes bras à la quille de mon navire, aux deux gaillards. J'avais flotté 9 jours. Le 10e, les dieux m'avaient, à la nuit noire, jeté chez Calypso, la terrible déesse, en son île océane. Cette fille d'Atlas m'accueillit, m'entoura de soins et d'amitié, me nourrit, me promit de me rendre immortel et jeune à tout jamais. Mais au fond de mon cœur, je refusais toujours. Je restais là, 7 ans, sans bouger, sans cesser de tremper de mes larmes les vêtements divins qu'elle m'avait donnés. Lorsque s'ouvrit le cours de la 8e année, c'est elle qui soudain, soit par l'ordre de Zeus, soit qu'eût changé son cœur, me pressa de partir. Alors, sur un radeau de poutres assemblées, elle me mit en mer, après m'avoir comblé de pain et de vin doux, et m'avoir revêtu de divines étoffes. Elle me fit souffler la plus tiède des brises, un vent de tout repos. Je voguai 17 jours sur les routes du large. Le 18e enfin, j'aperçus votre terre, ses monts et ses forêts. j'avais la joie au cœur. Mais, dans mon triste sort, je devais rencontrer encore tant de misères que l'ébranleur du sol allait me susciter, jetant sur moi les vents pour me fermer la route. Posidon souleva une mer infernale. J'eus beau gémir, crier, la vague m'enleva du radeau, la rafale en dispersa les poutres. Je me mis à la nage, et sur le grand abîme, je m'ouvris le chemin, tant qu'enfin, à vos bords, le vent qui me portait et les flots me jetèrent. J'allais y prendre pied quand toute sa force, en un lieu sans douceur, la vague me lança contre la grande roche. Puis la mer me reprit, je dus nager encore jusqu'à l'entrée du fleuve, et c'est là que l'endroit me parut le meilleur, car sous l'abri du vent, la grève était sans roche. J'y tombai, défaillant. Mais voyant arriver la nuit, l'heure divine, je sortis de ces eaux que vous donnent les dieux, et je m'en fus dormir en haut sous les broussailles, dans un lit de feuillets, où le ciel me plongea en un sommeil sans fin. Durant toute la nuit, en dépit de l'angoisse et le soleil levé, et jusqu'au plein midi, je dormis sous mes feuilles. Ce doux sommeil ne me quitta qu'au jour penchant. C'est alors que je vis ta fille et ses servantes qui jouaient sur la grève. Elle semblait une déesse au milieu d'elles. Je l'implorai. Qu'elle eût de raison, de noblesse, je n'osais de son âge espérer cet accueil. Trop souvent, la jeunesse a la tête si folle. Mais elle me donna tout ce qu'il me fallait. Du vin au sombre feu, du pain, un bain au fleuve, les habits que voilà. Telle est la vérité, que malgré ma tristesse, je tenais à te dire. Ce fut Alcinoos qui lui dit en réponse. En tout, je fais passer la justice d'abord. Quand je te vois si beau, et pensant comme moi, je voudrais, Zeus le père, Athéna, Apollon, je voudrais te donner ma fille et te garder avec le nom de gendre. Si tu voulais rester, tu recevrais de moi et maison et richesse. Mais si tu veux partir, nos gardes, Zeus le père, que nul des Phéaciens, malgré toi, te retiennent. Je fixe dès ce soir le jour de ton départ. Sache-le, c'est demain. Sous le joug du sommeil, quand tu seras couché, nos rameurs s'en iront, par le calme, te mettre en ta patrie. Ulysse répartit. Permets au Zeus le père qu'Alcinoos achève tout ce qu'il vient de dire, que son renom à lui vole éternellement sur la terre au froment, et que je rentre, moi, au pays de mes pères. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, Arrêté au bras blanc avait dit aux servantes d'aller dresser un lit dans l'entrée et d'y mettre ses plus beaux draps de pourpre, des tapis par-dessus et des feutres les nœuds pour les couvrir encore. Les servantes sorties, torche en main, de la salle, avaient diligemment garni les bois du cadre. Voici qu'elle rentrait pour inviter Ulysse. « Notre hôte, lève-toi et viens, le lit est prêt. » À ces mots, combien douce au héros d'endurance fut la pensée du lit. Il s'en fut, ce divin Ulysse, reposé sur le cadre ajouré, dans l'entrée résonnante, tandis qu'Alcinoos était allé dormir au fond du grand logis, où sa femme et régente lui tenaient préparé le lit et le coucher.